Bienvenue pour ce numéro spécial de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et bah aujourd'hui Dino et Scanim m'ont proposé d'occuper la pause des endives du SAV de la F1. Je sais pas trop si c'est pas comme ça. Mais. Donc pendant que ces petits salauds vont aller pisser ou descendre de 3 bières, bah je vais vous parler de quelques morceaux. Bon, j'aurais pu parler de Nirvana pour faire plaisir à Scanim. Ça se fera, hein, mais pas aujourd'hui. J'aurais pu parler de Julien Doré aussi, pour Dino. Mais là, faut pas déconner, j'ai mes limites. Du coup, bah, je vais rester dans le thème de ce week-end SAV d'or de la F1. Et je vais vous parler de morceaux liés de plus ou moins loin à la F1. Drivers, start your engines! On va commencer par un groupe, peut-être un groupe de circonstances, hein, pour certains de l'équipe qui pourraient finir bien fatigués. Je vais vous faire écouter une chanson d'Ultra Vomit. Un groupe originaire de Nantes qui fait du métal, mais pas du métal habituel, sérieux. Eux, leur créneau, bah, c'est plutôt l'humour, la parodie. Et pour leur premier album, Monsieur Patate, de 2004, a coincé entre One Shot, Poil Pubien ou encore Une Souris Verte, et un titre qui s'appelle Judas Priest. Alain, tu les écoutes. On continue avec une personne bah, que j'ai beaucoup appréciée pendant mon adolescence. Je sais aussi que vous savez, bah, vous l'aimez beaucoup. Il a fait partie d'un team que j'apprécie pas mal, et je vais parler bien entendu de Jacques Villeneuve. Un petit point sur sa carrière quand même, hein. Il est champion de cartes en 1995, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis bah, la même année. 11 victoires, 13 pôles en F1, champion du monde en 97. Bon après, c'est un peu gâté. C'est en 2006 bah, que ce passionné de musique sort un premier morceau, Accepterais-tu ? Où il demande en mariage sa meuf et il se fera d'ailleurs bien tailler par Michael Schumacher. Je vois pas pourquoi. Je ne donnerai jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Je ne rendrai jamais assez service, je ne tiendrai jamais assez de porte. Je sais, on n'avait pas toujours les quatre pieds sur terre. Mais avoue que notre courte histoire en aura déplacé de l'air. Non, ne t'en va pas maintenant, prends quelque temps pour y penser. Après on partira, ce sera comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, yeah. Accepterais-tu de m'épouser? Je nous imaginais tellement ensemble jusqu'à la fin du monde. J'aurais dû profiter de chaque instant, j'aurais dû filmer chaque seconde. Mais je crois que je m'y étais habitué un peu. Avec le temps, je l'avoue, j'y ai pensé moi aussi, un jour à foutre le camp. Non, ne t'en va pas maintenant, prends quelque temps pour y penser. Après on partira, tu seras comme tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais avant de partir, avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, hey, hey, hey. Accepterais-tu de m'épouser? Ah, on fera tout exactement comme tu le voulais. Ce sera parfait dans la chapelle au bout de l'île de Saint-Michel. Quand on passait devant, est-ce que tu te rappelles? pour le souvenir, pour le passé. Accepterais-tu de m'épouser? En parlant de Choumi, bon bah lui il s'est pas risqué à pousser la chansonnette, mais il a eu droit à des morceaux à sa gloire, et le très oubliable morceau de DJ Visage en 98. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. L'année d'avant, le duo Bob Schopf et David Hanselman sortaient Fly, Show Me Fly, des fans de Forrest Gump sans doute. Un morceau qui sent bon les années 80, avec une belle punchline, pédale au plancher, sois notre héros dans la bataille. Fly, show me fly, put the pedal to the metal. Fly, show me fly, be our hero in the battle. Thank you. metal. Fly, Shumi, fly. Be our hero in the battle. Fly, Shumi, fly. Let us push you to the top. Fly, Shumi, fly. Our desire's burning hot. Fly, Shumi, fly. Put the pedal to the metal. Fly, Shumi, fly. Be our hero in the battle. Fly, Shumi, fly. Let us push you to the top. Fly, Shumi, fly. On continue de remonter le temps avec une personne que tout le monde connaît aussi, hein. Enfin tout le monde connaît au moins la chanson qui l'a rendu célèbre en 1983. Je veux parler de Claude Barzotti avec le Rital. Et en 1985, l'Italo-Belge sort une pépite, quoi. Si tu savais Nelson Piquet. Nelson Piquet, elle n'aimait que les pilotes, que la musique des moteurs. Elle disait que c'était du toc, que c'était du vent, les chanteurs. Elle me trouvait minuscule à côté de Nelson Piquet et trouvait mes bulles ridicules de sa salopette. Si tu savais Nelson Piquet ce que je t'en veux d'avoir ta tête. Elle te voit comme un géant, elle me parle de toi tout le temps. Si tu savais Nelson Piquet comme quelquefois je te déteste. Chez elle y a ta photo partout, mais moi je ne l'ai pas du tout. J'ai voulu jouer les fanjo avec ma voiture à turbo, mais elle m'a dit en souriant, tu conduis comme un débutant. Elle n'a qu'une idole, un seul voix. Elle est un peu de mauvaise foi. Elle n'a qu'une idée dans la tête, c'est rencontrer Nelson Piquet. Tu savais Nelson Piquet ce que je t'en veux d'avoir ta tête. Elle te voit comme un géant et elle me parle de toi tout le temps. Si tu savais Nelson Piquet comme quelquefois je te déteste. Chez elle y a ta photo partout, mais moi je ne l'ai pas du tout. Nelson Piquet, comme quelquefois je te déteste. Chez elle y a ta photo partout, mais moi je ne l'ai pas du tout. Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter là, hein. J'entends la chasse d'eau chez Dino. On se quitte avec une version live du titre The Chain qui a servi de thème musical à la F1 sur la BBC. Moi, je sais pas s'il est encore utilisé. Et c'est Eddie Jordan à la batterie. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Enfin, il doit bien rester encore des plombes. Hein. Courage. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. for one night only, the BBC Concert Orchestra and our very own Eddie Jordan. Eddie, that was fantastic. I don't think even David Coulthard could argue with that. But maybe I'm wrong, hey?